Merci se dit gracias. Ça vient de grâce. Et c'est toujours au pluriel, avec un S à la fin. G-R-A-C-I-A-S. Gracias. Merci. Et pour dire merci beaucoup, en espagnol, on dit beaucoup de merci. Muchas gracias. Muchas gracias, c'est beaucoup de merci. Hein, de nombreux merci. C'est-à-dire merci beaucoup. De la même manière, beaucoup de différences, de nombreuses différences, c'est muchas diferencias. Et au masculin, au lieu de muchas, on dira muchos. Alors, par exemple, comment dira-t-on beaucoup de restaurants? Muchos restaurantes. Restaurantes, restaurantes. Restaurantes. Hein? Muchos restaurantes. Ça, c'est beaucoup de restaurants, hein? De nombreux restaurants. Et encore une fois, beaucoup de différences. Muchas diferencias. Tout à fait. Hein? Muchas diferencias. Et merci beaucoup. Littéralement, c'est beaucoup de merci. Muchas gracias. C'est ça, muchas gracias. Et mucho, ça veut aussi dire beaucoup, vraiment. Par exemple, comment dira-t-on « je suis vraiment désolé » ? Je suis désolé. Lo siento. Lo siento. C'est ça. Vraiment. Mucho. Mucho, hein, c'est ça. Mucho, vraiment. Lo siento mucho. Je le sens vraiment. C'est-à-dire, je suis vraiment désolé.